Chapitre 12. Les humilités de l'amour. Confession. L'amour est chose bien diverse, et d'espèce et de degré. De nation à nation, il est extrêmement différent. La Française est pour son mari un admirable associé, en affaires même en idées. S'il ne sait pas l'employer, il peut se faire qu'elle l'oublie. Mais qu'il soit embarrassé, elle se souvient qu'elle l'aime, se dévoue, et quelquefois, on l'a vu en 93, elle se ferait tuer pour lui. L'Anglaise est la solide épouse, courageuse, infatigable, qui suit partout, souffre tout. Au premier signe, elle est prête. Lucie, je pars aujourd'hui pour l'Océanie. Donnez-moi seulement, mon ami, le temps de mettre un chapeau. L'Allemande aime, et aime toujours. Elle est humble, veut obéir, voudrait obéir encore plus. Elle n'est propre qu'à une chose, aimer, mais c'est l'infini. Vous pouvez avec l'Anglaise aisément changer les milieux, et si celui-ci est mauvais, émigrer au bout du monde. Vous pouvez avec l'Allemande vivre tout seul, s'il vous plaît, dans une campagne éloignée, dans la profonde solitude. La Française n'en est capable qu'autant qu'elle est très occupée, et qu'on a su lui créer une grande activité d'esprit. Sa forte personnalité est bien plus embarrassante, mais la rend capable d'aller loin dans le sacrifice, même d'immoler la vanité et le besoin de briller. C'est tout fait pour l'Allemande qui ne veut rien que de l'amour. Un esprit ultra-français, très opposé à l'Allemagne, et qui s'en moque à chaque instant. Stendhal fait cette remarque très juste. Le meilleur mariage, c'est celui qu'on voit dans l'Allemagne protestante. Tel il vit l'Allemagne en 1810, tel je la vis en 1830, et souvent depuis. Les choses ont pu changer pour les hautes classes et pour quelques grandes villes, non pour l'ensemble du pays. C'est toujours l'épouse humble, obéissante, passionnée pour obéir, c'est d'un mot la femme amoureuse. L'amour vrai, l'amour profond, se reconnaît à cela qu'il tue toutes les passions, orgueil, ambition, coquetterie, tout s'y perd, tout disparaît. Il est si loin de l'orgueil que souvent il passe au plus loin, se place juste à l'autre pôle. Désireux de s'absorber, il fait bon marché de lui. Il oublie fort aisément ce qu'on appelle dignité. Sacrifie sans hésitation les beaux côtés qu'on montre au monde. Il ne cache rien des mauvais et parfois les exagère, ne voulant plaire par nul mérite que par l'excès de l'amour. Les amoureux et les mystiques ici tout à fait se confondent. Dans les uns et les autres, excessive est l'humilité, le désir de se rabaisser pour grandir d'autant plus le Dieu, que ce soit une femme aimée, que ce soit un saint favori. L'effet est le même. Je ne sais quel dévot disait « Si j'avais pu seulement être le chien de saint Paulin !» Plus d'une fois, j'ai entendu des amants dire la même chose. « Si seulement j'étais son chien !» Mais ce ravalement de l'âme, ces voluptés d'abaissement, l'amour ne doit pas les souffrir. Son effort, au contraire, est d'élever la personne aimante, tout au moins de la maintenir à son niveau, de cultiver l'union, par ce qui la resserre, ce qui seul la rend réelle, l'égalité. Si les deux âmes étaient si disproportionnées, nul échange ne serait possible, nul mélange. On ne parviendra jamais à harmoniser tout et rien. C'est le supplice que le colonel Selve, Soliman Pacha, ne craignait pas d'avouer. Comment savoir qu'on est aimé, disait-il, avec la femme d'Orient. Nous qui avons le bonheur de posséder dans nos femmes d'Europe des âmes et des volontés, quelque embarras que parfois ces volontés nous suscitent, nous devons éviter pourtant tout ce qui pourrait les briser, rompre en elles le ressort de l'âme. Deux choses surtout y seraient infiniment dangereuses. La première, dont on abuse beaucoup trop aujourd'hui sur les femmes imprudentes, c'est l'ascendant magnétique. La facilité malheureuse qu'elles ont à le subir est une maladie véritable qui les trouble profondément et s'aggrave en la cultivant. Ce danger n'exista-t-il pas? C'est une honte de voir un homme qui n'est point aimé et qui n'a rien pour le cœur prendre une puissance sans bornes sur les volontés d'une femme. Elle devient sa propriété, forcée de mouvoir à son signe ou de dire devant témoin le plus humiliant secret. Elle le suit fatalement. Pourquoi? Elle ne saurait le dire. Il n'est supérieur en rien pour l'esprit ni pour l'énergie. Mais elle s'est laissée surprendre sous prétexte de médecine, d'amusement de société, etc. Et la voilà livrée à 1000 chances inconnues. Ces victimes ont-elles vraiment l'inspiration médicale? Le temps le dira. Mais quoi qu'il en soit, ce don est payé bien cher, puisqu'il fait une malade humiliée, qui perd la disposition de sa volonté. Celui-même qui est aimé, son amant, son mari, si elle le prie de prendre ce pouvoir sur elle, doit y regarder longtemps. Au lieu d'évoquer en elle cette passivité d'esclavage et d'inspiration ténébreuse, il l'associera aux facultés actives qui sont celles de la liberté, et ne voudra exercer sur elle qu'un genre d'attraction, l'amour en pleine lumière. Un autre ascendant que tout homme généreux au cœur bien placé se gardera d'exercer, c'est celui de la violence, la fascination dans la crainte. Les femmes, par toute l'Asie, on peut dire presque par toute la Terre, sont traitées comme des enfants. Mais il faut considérer qu'excepté dans notre Europe, elles sont mariées enfants. Dans les pays chauds, à 12 ans, à 10 ans, et même dans l'Inde, quelquefois à 8. Le mari d'une femme de 8 ans est obligé d'être son père en quelque sorte, son maître pour la former. De là la contradiction apparente des lois indiennes qui, d'une part, défendent de frapper la femme et ailleurs permettent de la corriger comme un petit écolier. Elles sont toujours enfants et cette discipline puérile, non servile ni violente, elles la subissent patiemment. Dans l'état polygamique, elles restent craintives et sensuelles, s'attachent un peu par la crainte en recevant tout de même caresses et sévérités. Nos femmes du Nord, au contraire, n'étant nubiles que très tard, sont tout à fait des personnes et nullement des enfants au moment du mariage. À les traiter en enfants, il y aurait le plus horrible abus de la force. Ajoutons le plus dangereux. Il se trouve généralement que les moments où leur humeur difficile provoque la brutalité de l'homme, ce sont les époques du mois où elles sont le plus vulnérables, où toute émotion violente pourrait leur donner la mort. Elles ont alors des heures, des jours d'agitation cruelle, où elles souffrent elles-mêmes, elles l'avouent, du démon de la contradiction, où tout conspire à leur déplaire, où elles ont besoin de choquer. Il faut compatir, ne point s'irriter. C'est un état très mobile, et comme au fond, malgré ses aigreurs, il cache une émotion de nature nullement haineuse. Il suffit souvent d'un régime un peu détendu, d'un peu d'adresse et d'amour pour changer cette fière personne tout à coup et la faire passer à la plus charmante douceur, aux réparations, aux larmes, au plus amoureux abandon. L'homme y doit bien réfléchir. La femme est plus sobre que lui. L'abus des spiritueux, qu'il ne fait que trop, doit le mettre singulièrement en garde contre lui-même. Elle, quand elle est exaltée, violente, c'est le plus souvent la cause la plus naturelle et au fond la plus aimable qui l'agite, lui fait piquer l'homme par des mots aigus, des défis. Les Français le savent bien. Il ne s'agit pas d'amour-propre, mais d'amour. Il ne faut pas se heurter front contre front, comme on fait trop en Angleterre. Il ne faut pas rire non plus, ni vouloir un brusque passage de la querelle aux caresses. Mais tournez un peu, louvoyez. Un entr'acte de faiblesse, de relâchement naturel arrive. La bonne grâce revient. On avoue qu'on est méchante et l'on vous paye d'être bon. Au temps barbare, le gouvernement intérieur de la famille, comme le gouvernement public, ne vivait que de coups d'État. Passons, je vous prie, au temps civilisé de l'entente cordiale, du libre et doux gouvernement qui se ferait par l'accord de la volonté. Le coup d'état domestique de l'homme, c'est l'ignoble brutalité qui met la main sur la femme. C'est la violence sauvage qui profane un objet sacré, si délicat, si vulnérable. C'est l'ingratitude impie qui peut outrager son autel. Le coup d'état de la femme, la guerre que fait le faible au fort, c'est sa propre honte à elle, l'adultère, qui humilie le mari, lui inflige l'enfant étranger, qui les avilit tous les deux et les rend misérables dans l'avenir. Ni l'un ni l'autre de ces crimes ne serait commun si l'unité était assurée par l'épanchement de chaque jour, par une communion permanente où les plus légères dissidences aperçues, fondues tout d'abord, n'auraient pas le temps de créer de telles tempêtes. On se veillerait davantage soi-même par l'obligation de dire tout. Les tentations non couvées ont bien moins de prise. La confession conjugale, un sacrement de l'avenir, est l'essence du mariage. À mesure que nous sortirons de l'état grossier, barbare, où nous sommes encore plongés, on sentira qu'on se marie précisément pour cela, pour s'épancher tous les jours, pour se tout dire sans réserve, affaires, idées, sentiments, pour ne garder rien à soi, pour mettre en commun son âme tout entière, même en ces nuages confus qui peuvent devenir de grands orages pour un cœur qui les fomente, au lieu de les confier. Je le répète, c'est cela qui est le fond du mariage. Est-ce dans la génération qu'il est essentiellement? Non. Lors même qu'il est stérile, il peut être très uni. Sans enfant, il y a mariage. Est-ce dans l'échange du plaisir qu'on le fera consister? Non. Lors même que le plaisir cesse par l'âge ou la maladie, il y a tout autant mariage. Il consiste dans l'échange quotidien de la pensée, de la volonté, dans le mélange et l'accord permanent des deux âmes. Le beau mot des jurisconsultes, mariage, c'est consentement. Il faut qu'il se reproduise jour après jour, qu'une confiance de chaque instant assure qu'on est dans cette voie où chacun consent à ce que veut et fait l'autre. Qui devez-vous épouser? Celle ou celui qui veut vivre devant vous en pleine lumière, ne cachant nulle pensée, nul acte, donnant et communiquant tout. Qui devez-vous éviter? Celle ou celui qui, promettant de se donner, se garde encore, qui, dans une enceinte réservée de l'âme, se fait un bien exclusif dans la propriété commune, qui, sous clé, tient un sentiment, une idée à soi tout seul. Les femmes pures, douces et fidèles, qui n'ont rien à dissimuler, rien à expier, ont pourtant plus que les autres besoin de la confession d'amour, besoin de se verser sans cesse dans un cœur aimant. Comment se fait-il que l'homme profite généralement si peu d'un tel élément de bonheur? Il faut vraiment qu'une jeunesse blasée, où l'étourdissement du monde nous rende aveugles et brutes, vrais ennemis de nous-mêmes, pour ne pas sentir dès la première fois qu'une communication si tendre est la plus fine jouissance qu'une femme puisse donner d'elle-même. Ah, la plupart en sont indignes. Il sourit, écoute à peine, parfois se montre sceptique à ses révélations naïves, qui devraient être non seulement accueillies, mais adorées. Ce n'est pas chose nouvelle. Pour les intérêts et pour les affaires, les époux communiquent et se confient. Il faut pour le cœur, pour les choses de religion et d'amour, pour les agitations intérieures et la vie secrète d'imagination, qu'ils prennent aussi confiance. On est unis, mariés, que par cette chose extrême, définitive et périlleuse, livrer son dernier secret et se donner puissance l'un sur l'autre en se disant tout. Ne la laissez pas aller, cette chère femme, si elle est un peu malade, si elle a le cœur troublé d'un petit rêve, comme il en vient à la plus pure. Ne la laissez pas en défiance de son mari, qu'elle aime pourtant. Il vaut bien mieux qu'elle se fie à son indulgence et lui demande conseil, que de livrer ce grand secret, qui au fond n'est rien, à je ne sais quelle personne qui dès lors aura une arme contre elle et contre vous. la tiendra par là, et sans rien dire, n'aura qu'à la regarder, cette pauvre innocence, pour la faire rougir, lui faire baisser les yeux. Cela aura l'avantage de vous faire aussi réfléchir. Une femme bonne et raisonnable, si elle a un léger caprice, il faut bien que son mari se demande pourquoi, et si ce n'est pas sa faute à lui-même. Au milieu de la vie, dans l'entraînement, le vertige où nous sommes, nous nous négligeons pour les choses essentielles, et nous négligeons ce que nous aimons le plus. Il faut se dire, elle a raison peut-être. Je deviens ennuyeux, trop absorbé d'une chose. Ou bien, respectais-je assez sa délicatesse en certains rapports physiques? Ne suis-je point déplaisant? Ou encore, elle me voit avec raison sous un fâcheux aspect moral. Je suis dur, avare. Eh bien, je reprendrai son cœur. Je serai plus charitable, plus généreux, magnanime. Je serai au-dessus de moi. Il faudra bien qu'elle reconnaisse qu'au total, je vaux mieux encore que celui qui lui semble aimable et surtout que j'aime bien plus. Faut-il beaucoup de paroles pour cela? Infiniment peu. Parfois, il suffit que le soir, on s'aime et on se regarde. Un artiste qui a eu deux ou trois fois du génie, Delmoud, dans une gravure qu'il appelait le café, a fort bien donné le regard de deux âmes intelligentes qui n'ont presque pas besoin de parler, s'entendent tout à fait, se comprennent. J'y voudrais un rayon de plus, surtout du côté de l'homme, et quelque chose qui dit « Ne crois pas que tu puisses avoir un plus profond abri que moi ».